Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace, podcast en partenariat avec le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique. Anne de Courchiel, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour chausser des lunettes, qui sont des lunettes très originales qu'utilisent les astronomes depuis pratiquement un demi-siècle. C'est quand même assez récent pour l'astronomie. C'est l'astronomie des rayons X. Alors, je dis que c'est très récent. Vous êtes vous-même astrophysicienne au Commissariat à l'énergie atomique, au service d'astrophysique, et vous utilisez un télescope spatial qu'on connaît bien de nom, qui s'appelle XMM Newton, qui est toujours en activité. Cette astronomie pour laquelle nous allons chausser ces lunettes dans la conversation qui nous conduit tous les deux aujourd'hui à être ici, est-ce que ces lunettes-là nous obligent à quitter la Terre pour accéder à l'univers X ? Oui, alors ça, c'était la première difficulté, c'était d'observer à partir du sol, donc c'est impossible parce que les rayons X ne traversent pas l'atmosphère. C'est un filtre. En fait, c'est un filtre. Les rayons X ionisent la partie haute de l'atmosphère et donc sont absorbés. Et donc, l'astronomie X n'a pu débuter qu'avec le lancement de fusées. D'abord, elle a commencé par quelques fusées, ballons, et en fait, de trouver sa pleine compétence avec l'envoi de satellites, donc largement au-dessus de l'atmosphère. Comment vous qualifieriez l'astronomie X en disant « je vais mettre des lunettes et vous montrer le monde différemment ». Qu'est-ce que ce monde-là a de différent par rapport au monde de la lumière visible que tout un chacun a autour de soi? Alors c'est un monde, c'est un univers qui est beaucoup plus, on peut dire, violent, c'est-à-dire beaucoup plus énergétique. Soit ce sont des plasmas, enfin des régions extrêmement chaudes du ciel, donc des millions, centaines de millions de degrés, ou alors des particules de très très grande énergie. Donc cet univers-là est un univers qui correspond à des régions de gigantesques explosions, de conditions extrêmes, de champs magnétiques intenses, de milieux très denses, donc au voisinage de trous noirs par exemple, ou de grands potentiels gravitationnels, comme dans les amas de galaxies, on arrive à un plasma X très chaud, qui a des dizaines de millions de degrés. Donc c'est ce qui montre l'univers chaud, l'univers en action, enfin très, très agité, très énergétique. Exactement, exactement, et ça c'est un ingrédient très important au niveau de la galaxie, de l'univers tout entier, et qui est très complémentaire de l'étude du milieu froid, qu'on observe plus en infrarouge, en optique. Alors c'est le fameux spectre qui va du très froid au très chaud. Voilà, donc d'un côté vous avez la radio plus bas, et puis après donc on a le rayonnement infrarouge, optique, ultraviolet, X et gamma. Et donc le rayonnement X, en fait il n'y a pas de limite très franche, en tout cas du point de vue des astronomes, entre le rayonnement X et le rayonnement gamma. Donc le rayonnement X, on peut dire typiquement, il va jusqu'à des centaines de kilo électronvolts. Et que voilà. Ça pourrait se mesurer en énergie, en température, en se disant c'est quelques millions de degrés. C'est des centaines de millions de degrés. Ah, des centaines. Ce sont des centaines de millions de degrés. Une dizaine à des centaines de millions de degrés. Alors, on a découvert le rayonnement X qu'on suspectait exister dans l'espace. C'est dans les années 50. C'est en fait quand on accède pour la première fois à l'espace. Alors en fait, c'est un petit peu plus tôt. C'est à l'après-guerre. Il y a eu des envois de fusées qui ont permis la détection. Donc, la première détection, c'est la détection du Soleil. Et en fait, ça a amené à un résultat un peu pas désastreux, pas pour le Soleil, mais en tout cas, à partir du flux du Soleil, on s'est rendu compte que si on mettait le flux du Soleil à l'étoile la plus proche, ce flux ne serait pas détectable par les instruments. Il manquait une sensibilité d'un facteur 100 000 pour être capable d'observer ces objets. Et donc, ça a démotivé la communauté scientifique de pouvoir d'espérer observer des objets extrasolaires en rayons X. Pourquoi ? Parce que le Soleil aveuglait tout ? Non, en fait, le flux du Soleil est très faible. Et finalement, c'est une étoile qui n'émet pas beaucoup de rayons X. Pour nous, c'est très intense. Mais si on ramène à la distance des étoiles les plus proches, c'est négligeable. En fait, ce qu'on va voir par la suite, sans doute, c'est que les sources d'émission X sont des sources très particulières, en fait, des systèmes binaires. Et en fait, il a fallu attendre. Donc, dans les années 50, ils ont continué donc ces études plutôt du Soleil. Et c'est Riccardo Giacconi qui s'est battu et acharné pour continuer les développements d'instruments, pour améliorer la sensibilité, réduire le bruit de fond, qui était important, et afin de détecter l'émission cosmique du cosmos, de l'univers en rayons X. Et alors au début, ça a été très difficile. Il y a eu un premier lancement de fusée en 61 où les portes ne sont pas ouvertes du détecteur, donc bon, ça ne servait à rien. Un an après, ils ont recommencé et là, les portes des détecteurs se sont ouvertes et ils ont observé. Donc, ils espéraient en fait observer la Lune. Donc, la lumière du soleil réfléchie par la Lune. Comme c'était dans le début des années 60, il y avait quand même l'objectif d'aller sur la Lune. Et donc, je pense que c'était un thème assez important. Donc, il y a dû avoir du support financier. Mmh. Et puis, l'objectif, c'était de faire un balayage du ciel, un plus grand balayage du ciel. Et en fait, il y a eu 350 secondes de temps d'observation sur cette fusée où ils n'ont pas vu la Lune, mais où ils ont vu une source extrêmement brillante, qui est la première source 6, qui est dans la constellation de Scorpion, SCO X1, et qui était un phare. Et là, ça a réveillé toute la communauté astronomique qui a mis tous ses espoirs dans ce rayonnement X qui pouvait effectivement détecter des sources pour lesquelles on ne voyait rien en optique, ou une émission extrêmement faible. On sait aujourd'hui ce qu'ils ont vu ? En fait, oui, c'est un système binaire, hein, avec une étoile, enfin une étoile à neutrons, et puis une étoile compagnon qui tourne autour de l'étoile à neutrons et qui accrète de la matière. Et donc, c'est cette matière accrétée qui émet, qui est élevée à des très hautes températures et qui émet en rayons X. Donc, c'est un des phares. Hein, et les sources binaires, donc les systèmes à deux étoiles comme ça, accrétant, donc qui accrètent de la matière, sont des sources très brillantes d'émissions X, effectivement. Donc ça, ça a été la première étape, hein, qui a ouvert tout ce domaine et qui a été couronnée d'ailleurs par un prix Nobel en 2002. Il y a eu le prix Nobel. Voilà, pour ces travaux-là. Et pour, bien des années plus tard, parce que ça sera en 2002. 40 ans plus tard. Ah oui, oui, c'est... mais ça a donné naissance à une nouvelle communauté astronomique, qui est la communauté des observateurs avec ses lunettes X. Oui, exactement, parce qu'à la suite de ça, énormément d'efforts ont été mis, et en particulier la construction d'un satellite. C'est-à-dire, avec les fusées, on avait un temps d'observation très court. Donc là, un satellite a pu être construit, Uhuru, un satellite américain, donc, qui a été lancé dans les années 70 et qui a pu faire le premier balayage du ciel et qui a découvert 300 sources. Donc on est passé de quelques sources à 300 sources. Donc là, c'était vraiment la première étape de l'astronomie des rayons X. Avec là, 300 sources, ça veut dire qu'il faut poser des questions d'astrophysiciens. Quelle est la nature de ces sources? Regarder donc les variations temporelles, les variations spectrales, essayer de les localiser. Donc ça demandait d'améliorer les détecteurs pour arriver à préciser l'origine du rayonnement, l'endroit, enfin la localisation, parce qu'à ce moment-là, c'était des collimateurs, donc c'est-à-dire on sélectionnait un champ de vue, mais en fait, on n'avait pas d'image. On a un champ de vue qui balaye le ciel, plutôt un très grand champ de vue. Alors justement, parce que vous parlez de ces détecteurs, comment on reçoit et quel est l'œil ou la lunette en quelque sorte qui vous permet de voir en X dans le cosmos? C'est pas un miroir traditionnel, c'est... Qu'est-ce que c'est que ce rayon X? Quel est son support déjà? Voilà. Alors en fait, les rayons X, donc c'est de la lumière très énergétique, hein, des énergies de l'ordre, on parle de kilo-électron-volts. La difficulté pour faire de l'imagerie, et c'est pour ça que ça n'a pas été fait au début, il a fallu attendre Einstein, donc les années plutôt 80, le satellite américain Einstein, 1980, pour avoir des miroirs, donc une capacité de faire véritablement des images. La difficulté, c'est de les focaliser. Ils sont à grande énergie, on a du mal à les défléchir. Donc en fait, la façon, c'est d'utiliser des miroirs à incidence rasante. Donc des miroirs qui sont en forme cylindrique, des coquilles cylindriques, un assemblage de coquilles cylindriques par lequel passe le photon X. Et le photon finit par converger avec une partie qui est hyperboloïde et une partie paraboloïde, et donc qui arrive à converger à un point. Et donc, une fois qu'on converge, on a un point focal, on fait une image. J'ai lu une explication de vulgarisation, vous allez me dire si elle vous va ou pas. Quelqu'un qui comparait le photon X à une balle de revolver qui rentrerait dans un mur, en disant si vous avez un miroir qui est plat ou plan, hein, il va s'incruster dans le mur et pas ressortir, alors que si en fait il est défléchi, s'il bute sur une surface qui est légèrement courbée, alors on va dévier sa trajectoire et c'est l'objectif. Ça, voilà. Ça vous va cette image? Oui, tout à fait. En fait, il faut qu'il rencontre un certain nombre de cibles, le long, qui le fasse dévier. Qui fasse dévier progressivement. Et donc, c'est pour ça qu'il y a deux formes de miroirs consécutifs pour arriver à dévier ce photon X. Donc, le fasse dévier et l'amène à un point focal où ça va être concentré, où tous les rayons vont être concentrés. Voilà. Et c'est là qu'on forme l'image et c'est là qu'on place le détecteur. Est-ce que ça veut dire aussi que la quantité d'informations de photons X qui arrivent d'une source est suffisante pour créer une image comme avec un télescope classique où finalement plus il y a de photons, plus l'image elle est lumineuse? Alors il faut une bonne surface collectrice de miroir, hein. Et dans ce cas-là, oui, il n'y a pas de problème. Donc on arrive à faire des images de très bonne qualité, donc avec Chandra, c'est des résolutions inférieures à l'arc seconde pour les sources les plus brillantes, mais pour des sources même très faibles maintenant. Alors, on va parler de ces satellites, hein, évidemment, Chandra, XMM, etc. Mais déjà, quand les astronomes sont sortis de l'atmosphère terrestre, sont allés dans l'espace pour essayer d'établir un premier catalogue, un ciel X, qu'est-ce qu'ils ont trouvé dans le système solaire d'abord? Quels sont les objets qui rayonnent en X et de quoi ils nous parlent? Alors, dans le système solaire, au début, c'est le Soleil qu'ils ont détecté en premier. Et en fait, ils ont fini par détecter la Lune. Pourtant, c'est pas chaud. Enfin, vous disiez, c'est chaud au centre, mais c'est pas chaud en surface. Le Soleil, c'est la couronne solaire qui est à des millions de degrés. C'est la couronne solaire qui émet. Et c'est la couronne solaire qu'on voit lors d'éclipses totales. Cette couronne-là qui émet et qui est à des millions de degrés. Donc l'astronomie X permet de comprendre, de voir ces phénomènes donc de protubérance à la surface solaire, d'activité solaire. Donc d'accélération de particules dans des champs magnétiques. Exactement, c'est tout à fait lié à l'activité magnétique. En fait, l'émission X des étoiles est très reliée à l'activité magnétique de l'étoile. Soleil, Lune par miroir. Par miroir, par réflexion, miroir. Qui a été détectée en fait avec le satellite amont Rosat au début des années 90. Planète. Des planètes également, je crois que Vénus également par réflexion. Tout ce qui produit de l'énergie à haute température. Oui, elle ne déplace pas à 10 millions de degrés, mais après il faut qu'il soit détectable, observable. Donc le système solaire n'est pas le premier objet d'étude de ces satellites. On regarde un univers en fait plus lointain au niveau de la galaxie, puis après l'univers lointain. Alors j'imagine que les astronomiques ont dû confronter leurs observations avec ceux des autres longueurs d'onde, le visible, les gammas qui sont eux aussi heureusement accessibles de l'espace, peut-être même l'infrarouge, la radio. C'est pas une astronomie qui est isolée des autres, elle se complémente. Je sais pas si le verbe est juste, mais... Oui, tout à fait. En fait, c'est une vision complémentaire. Dans les différentes longueurs d'onde, on voit différents processus physiques qui sont des témoins, des indicateurs de milieux ou de conditions physiques différentes, mais qui sont très complémentaires. Donc dans la plupart des endroits, on a des régions froides pour lesquelles on a de l'émission infrarouge, par exemple, ou optique sur les milieux ionisés, et puis l'émission X ou gamma à plus haute énergie. Donc dans le domaine gamma, c'est le domaine des particules accélérées à de très hautes énergies. Et puis il y a le domaine radio qui est extrêmement complémentaire de cette thématique de l'accélération de particules, puisqu'en radio on voit l'émission donc des particules accélérées jusqu'à une certaine énergie, donc typiquement des gigaélectronvolts, alors qu'en X et en gamma on va regarder ces accélérations à des énergies du téraélectronvolt. Alors, on dispose aujourd'hui, et vous travaillez avec votre équipe sur justement un de ces satellites, au 21e siècle, hein, majoritairement, de deux engins. Le premier est européen, c'est XMM Newton, lancé, si mes souvenirs sont bons, en 1999 avec Ariane 5. Et puis, il y a un deuxième qui est américain, qui s'appelle Chandra, qui a été mis en orbite par la navette spatiale en juillet 1999. Le CEA a contribué fortement à XMM en fournissant une caméra qui s'appelle EPIC et à cette caméra. Technologiquement, c'est un engin complexe XMM, c'est quand même un monstre quelque part. Oui, c'est un très gros satellite qui a 8 mètres d'envergure, qui est un satellite très lourd, qui dispose de 3 télescopes sur lesquels sont mises différentes caméras, donc des caméras CCD, mais également des réseaux qui permettent de regarder sur les sources ponctuelles très brillantes à meilleure résolution spectrale, d'avoir des spectres de très grande précision, donc sur des objets particuliers. Et puis, donc, trois caméras qui forment l'instrument épique qui sont mises sur chacun des télescopes. Et qui regardent le même objet ? Le même objet. Mais avec des filtres différents ? En fait, sur les trois télescopes, on a cinq instruments, donc trois caméras CCD et deux réseaux qui se partagent donc, le flux incident et qui fournissent des données surtout complémentaires. Ça permettait d'avoir trois caméras en parallèle. Deux d'entre elles sont très ressemblantes, ont le même fonctionnement, et une des caméras est un petit peu différente, a une meilleure réponse à basse énergie et à haute énergie. C'est pas beaucoup de télescopes pour une seule astronomie, parce que vous êtes obligé d'être dans l'espace. Je compte deux télescopes X pour regarder tout l'univers. C'est un vaste chantier quand même. Avec les Américains, vous êtes en compétition ou vous êtes complémentaires ? Je pense que les programmes sont complémentaires parce que les satellites ont des compétences complémentaires. Donc Chandra est axé sur la résolution, la haute résolution spatiale. Donc il est capable d'imager à moins d'une demi, enfin d'une arc seconde. Donc ça, c'est très important. Alors qu'XMM, c'est fin. Très fin. Donc des détails, des images avec énormément de détails. Donc ça, c'est très important. Et puis XMM, lui, a une très grande surface collectrice, c'est-à-dire beaucoup de télescopes, de miroirs, qui lui permettent de capturer beaucoup de lumière, hein, beaucoup de photons X, et donc d'avoir une bonne précision sur l'univers lointain, par exemple, ou une bonne capacité de produire des spectres, pas simplement des images. Parce que pour avoir un spectre d'une région, il nous faut plus de photons que pour construire une image. Donc on a besoin d'une meilleure sensibilité. Et l'avantage d'XMM, c'est qu'il y a un bon choix, je dirais, entre la surface collectrice, la capacité à résoudre spatialement les images, et puis la spectroscopie, qui permet d'utiliser pleinement cette configuration pour des études assez détaillées. On parle pratiquement toujours du Hubble Space Telescope, qui semble être le seul satellite en orbite autour de la Terre. Celui-ci, XMM, il est en orbite depuis 8 ans. La collecte de données, j'imagine, est énorme. Donc ça veut dire qu'il y a des équipes derrière qui ont des programmes d'observation, qui dépouillent. Enfin, il y a toute une organisation. Oui, exactement. En fait, ce sont des observatoires. Donc on a des demandes de temps qui sont ouvertes au niveau international. Et donc, c'est une compétition. Et là, des Américains comme des Européens, le seul critère est la justification scientifique, donc la qualité de la proposition. Et après, ce sont ces équipes qui ont été sélectionnées pour avoir ces observations, qui ont donc accès aux observations des objets qu'ils ont demandés et qui peuvent les analyser, en tirer toute la substantifique muelle et tous les résultats scientifiques. On arrive en fin de vie du télescope ? Alors, pas du tout. En fait, techniquement, il peut durer encore 10 ans, jusqu'en 2018. Ah oui. XMM. Donc, il a les ressources techniques de pouvoir observer jusqu'en 2018. Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est placé ? Alors, c'est une orbite qui est très excentrique. Donc, il y a une partie de l'orbite, c'est une orbite de 48 heures. Donc, je pense que la partie la plus proche est en deçà de 40 000 km et la partie la plus lointaine doit être au-delà de 130 000 km. Ah oui, parce qu'il faut une certaine distance par rapport à la Terre pour. En fait, ça permet d'avoir des orbites, ça permet d'avoir des observations assez longues sur une même source. Alors que si on tourne plus proche de la Terre, on a des. On peut passer moins de temps consécutif sur une source. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin d'aller le réparer, celui-là. il marche parfaitement. En fait, il marche tout à fait bien, oui, tout à fait fonctionnellement. Qu'est-ce qui intéresse le plus les astronomes ? Quel est le temps de demande ? Ou en tout cas, quels sont les objets qui sont les plus demandés aujourd'hui pour ce type d'astronomie ? Bon, il y a plusieurs catégories scientifiques. Donc il y a l'univers lointain, avec on peut regarder les amas de galaxies, il y a l'univers plus proche, donc l'univers galactique, les objets galactiques, les binaires, les systèmes binaires, bon, les vestiges de supernova, les étoiles, les régions de formation d'étoiles, les galaxies proches et puis de plus en plus lointaines, les AGN, les noyaux actifs de galaxies. Qui sont très brillants en rayons X et pour lesquels énormément d'informations est peut-être obtenue. Vous me décrivez tout l'univers, là. Oui, en fait, maintenant, en rayons X, on peut voir quasiment tous les objets émettent directement ou indirectement. Mmh. Donc c'est vraiment une source complémentaire d'informations tout par à fait, tout à fait. À l'observation traditionnelle. En fait, l'avantage des rayons X, c'est qu'ils donnent accès aux zones assez enfouies, puisque les rayons X et gamma de haute énergie vont être peu absorbés, donc permettent d'avoir accès à des régions particulières, bon, comme le centre de notre galaxie, qui n'est pas visible en optique à cause de l'absorption et qui est tout à fait visible en rayons X, au-dessus d'une certaine énergie d'ailleurs.